Chapitre 44e. Une semaine à peine s'était écoulée depuis le jour où Morton était venu s'asseoir au chevet de Lucy Green, que la cloche résonnait d'un son funèbre et qu'un modeste convoi se dirigeait vers le cimetière du village. C'était en effet la pauvre physique qu'on reconduisait à sa dernière demeure. Son mari, ses enfants suivaient sa dépouille mortelle. Mattie faisait des efforts surhumains pour ne pas éclater en sanglots. Son père la tenait par la main. Les autres enfants marchaient derrière, regardant d'un air étonné les jolies fleurs qui bordaient la route, comme s'ils n'eussent pu comprendre que la nature fût si riante, le ciel si bleu, quand on portait leur mère en terre, dans ce vilain trou noir dont la petite servante leur avait fait si peur. Dulcie, vêtue d'un costume approprié à la triste circonstance, s'était jointe à ce deuil. Elle marchait les yeux baissés, absorbée dans de graves pensées, conduisant par la main le plus jeune des enfants. M. Haldimand, ému jusqu'aux larmes en la regardant, se disait « Cette femme est un ange du ciel égaré sur la terre. » Arrivé au bout du douloureux calvaire, Mattie n'eut plus la force de maîtriser son émotion, et lorsque les implacables pelletées de terre retombèrent avec un bruit sourd au fond de la fosse où l'on venait de déposer sa mère, elle se jeta à genoux sur le bord de la tombe en s'écriant d'une voix déchirante « Mère, mère !» et le torrent de larmes qu'elle retenait depuis si longtemps rompit ses digues. La pauvre petite eût voulu rester là indéfiniment, mais dès que les dernières prières furent dites, Dulcie l'emmena avec elle à Fairview, après avoir obtenu de M. Green la permission de la garder quelques heures. Tandis qu'elle causait dans le petit salon de Miss Courtney, on annonça M. Haldimand. Mattie, assise aux pieds de sa jeune protectrice, appuyait sa tête sur les genoux de Dulcie, qui lui passait doucement la main dans les cheveux. Le recteur fit de son mieux pour calmer par de bonnes paroles la pauvre petite, lui disant qu'il était heureux d'apprendre qu'elle ne quitterait pas Hawthorpe et qu'il espérait l'y voir un jour maîtresse d'école. Cette perspective arracha un sourire à l'enfant. M. Morton a la bonté de vouloir bien nous laisser habiter le cottage qu'il avait mis à la disposition de notre pauvre maman. Miss Blake a promis de nous y venir voir tous les jours, et papa une fois par mois. Il nous apportera le plus d'argent possible, puis Miss Dora a promis de suppléer au reste. En entrant dans ces détails de la vie positive, la physionomie de l'enfant trahissait ses soucis prématurés. M. Haldimand resta une heure environ à causer avec Dulcie et Mattie, mais il ne voulait pas quitter Fairview sans aller causer avec Sir Everard. Le recteur et Miss Courtney s'étaient revus plusieurs fois depuis le jour où elle avait reçu l'aveu de son amour, mais ensuite, il ne s'était permis la moindre allusion au sentiment qu'elle lui inspirait. Parfois, elle se demandait dans le secret de son cœur comment il se faisait qu'il était devenu si froid, après s'être montré une fois si ardent et si passionné. « Pourvu qu'il reste toujours mon ami, » se disait-elle, « c'est tout ce que je demande. » M. Haldimand trouva Sir Everard dans sa bibliothèque. Il était assis à son bureau près de la fenêtre ouverte. Au lieu de lire les journaux et les livres épars sous ses yeux, son regard errait dans le vague. Il tendit affectueusement la main à M. Haldimand. Une sympathie étrange existait entre ces deux hommes si différents. Sir Everard, qui depuis 20 ans, n'avait voulu faire amitié avec personne, ne s'en était pas moins pris d'une affection réelle pour le nouveau recteur. « Quoi ? Toujours absorbé dans vos réflexions ?» dit M. Haldimand en s'avançant vers Sir Everard. « Vos habitudes casanières sont certainement funestes à votre santé. Croyez-moi, changez de régime. Faites de longues promenades avec Miss Dulcie. Le grand air, l'exercice, vous donneront un second bail de vie. Quand ferai-je, grand Dieu, moi qui trouve déjà mon existence trop longue ? Comment la pensée de votre fille, si bonne, si charmante, si dévouée, ne vous est-elle pas une attache plus chère ? » Sir Everard fut pris d'une toux sèche et les pommettes de ses joues se colorèrent pour un instant. « Je ne puis rien pour son bonheur » s'écria-t-il avec un accent de douleur, d'amertume et de découragement indescriptible. M. Haldimand avoua alors à Sir Everard qu'il aimait Dulcie depuis la première fois qu'il l'avait vue et qu'il venait lui demander l'autorisation de chercher à lui faire agréer ses vœux. « Je suis pauvre, » ajouta-t-il, « et malheureusement elle est riche. Néanmoins, je sens que je pourrais la rendre heureuse et que vous aussi, Sir Everard, vous seriez heureux du bonheur que vous nous auriez donné. » Après avoir gardé quelques instants le silence, le visage couvert de ses deux mains, Sir Everard leva la tête et répondit. « Il fut un temps où j'avais rêvé de voir ma fille devenir comtesse de Blatchmardean, mais elle n'aime pas Lord Beville et ne sera jamais sa femme. » « Je suis tout disposé à m'entremettre pour vous auprès de Dulcie. Ce n'est jamais la richesse qui la tentera dans le choix d'un mari. Si l'estime qu'elle a pour vous peut se changer en amour, je me féliciterai de vous avoir pour gendre, car je n'ai plus qu'un désir, l'avoir mariée et heureuse avant que je meure. » « Je vous remercie de toute mon âme, » s'écria Arthur Haldimand, en prenant les deux mains de ce rêve rare dans les siennes. « Vous êtes le meilleur et le plus généreux des hommes. Ne me remerciez pas, je vous en conjure, avant d'en savoir davantage. Il est une page de ma vie que vous devez connaître. Veuillez voir si la porte est bien fermée, puis revenez vous asseoir près de moi. Je vous apprendrai alors le secret fatal que je ne saurais vous sceller plus longtemps. » Sir Everard et M. Haldimand restèrent enfermés jusqu'à ce que la cloche sonnât le dîner. Dulcie se demandait ce qui avait pu retenir ainsi son père et le recteur. Elle était au piano lorsqu'ils rentrèrent tous les deux. « Dulcie, » dit Sir Everard à sa fille, « prenez le bras de M. Haldimand, il nous reste à dîner. » Depuis longtemps, on avait fait un repas aussi agréable à Fairview. Dulcie était rayonnante. Comment eût-il pu en être autrement sous le regard de feu que M. Haldimand fixait sur elle et qu'il embrasait comme le soleil embrase la terre par un beau jour d'été. Après dîner, on revint au salon et Dulcie se remit au piano. Sir Everard s'esquiva sans bruit, laissant sa fille et le recteur en tête à tête. « Dulcie, lui dit-il, vous jouez en véritable artiste, mais ce soir, il est pour moi une musique incomparablement plus douce que celle de votre piano, c'est celle de votre voix. Écoutez-moi, je vous en conjure, répondez-moi. J'ai parlé à votre père de l'amour que vous m'inspirez. Il m'a autorisé à vous faire agréer mes vœux. Il a fait plus encore, il m'a dit qu'il serait heureux de m'avoir pour gendre. Mon père a pu vous dire, s'écria-t-elle en repoussant le bras qui cherchait à l'enlacer dans une étreinte brûlante. Non, je ne saurais consentir à vous faire partager notre... N'achevez pas, s'écria M. Haldimand, car je sais tout. Votre père m'a tout avoué. Tout ? Il m'a confié l'horrible secret de sa vie. Je le plains de toute mon âme. Croyez-vous, monsieur Haldimand, que Dieu lui pardonne? La miséricorde de Dieu n'a pas de bornes. Il ne refuse jamais son pardon aux pécheurs repentants. Avoir laissé condamner un innocent me paraît un crime presque aussi irrémissible que l'autre. J'ai la conviction que votre père eût agi autrement, si la condamnation de Vargas n'eût été commue en une peine qui n'était qu'un juste châtiment de ses méfaits. Vos paroles rendent le calme à mon esprit torturé. Puissent ces 20 années de remords être comptées à mon malheureux père comme une expiation suffisante. Il faut songer aux faiblesses, ou plutôt compter avec les tyrannies de la nature, ma chère Dulcie. Vous savez aussi bien que moi l'entraînement auquel il a cédé. Personne ne peut lui refuser le bénéfice des circonstances atténuantes. Votre père a été le premier offensé. Merci, monsieur Haldimand, merci, dit-elle, en laissant doucement retomber sa tête sur l'épaule du jeune recteur. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sens heureuse de vivre. Je suis comme celui qui, après avoir longtemps été privé de lumière, revoit le jour, l'éclat du soleil, les fleurs, le visage et les images de tout ce qu'il a aimé. « Ah, ma bien-aimée, » s'écria-t-il avec chaleur, « me permettez-vous d'espérer ? Si la perspective d'épouser une femme si inconstante ne vous effraie pas ? Oh, ma chère, ma bien chère Dulcie, n'a-t-on pas toujours dit que le premier amour était le plus ardent ? Le dernier, le plus vrai? C'est à tort, du moins en ce qui me concerne, car je vous jure que je n'ai jamais aimé Morton comme je vous aime.